Et bonjour à tous, c'est Corentin sur Radio Fadjet dans le Nouvel Explorateur. Et après le sondage Instagram où j'avais choisi l'Allemagne. Alors dans ce cas-là, Guten Tag, my friend, willkommen in Deutschland. On va commencer avec la première musique, c'est Raf Camora avec Bonnes MC pour An Innen Vorbei sur Radio Fadjet dans le Nouvel Explorateur. Alles was glänzt ist Gold. Die Kette ist Diamant, die Uhr ist Messing. Spots von mir und meinem Team auf deinen 16 Zoll. Millionen Views in deinem Arsch, sag wer uns brechen soll. Die Palmen sind jetzt aus purem Gold. Sie kommen, weil es läuft wie Usain Bolt. Für die Neider sechsstellig auf der Bank. Für die Feinde sechs Schuss im Gold. Alle kommen sie mit Ehre, davon glaub ich nada. Können tun sie nix außer labern. Frag mich wie es geht, Bombe, das Leben, das Lambada. Genieße es mit Chips und Champagner. Eine an der an der Mike, an der Barra. Mein Alpha liegt tief auf der Strada. Era Camora, dein Vater. Kleine, schreib mir nicht auf Instagram. Ich mach mich strafbar. Flasche Rum auf der Theke. Meine Jungs an der Seite. Keiner sucht ihr Probleme. Wir suchen lieber das Weite. Und werfen Geld durch die Gegend. Als alles wertlose Scheine. Andere Werte, die Ziele. Wenn du weißt, was ich meine. Montagabend trinke Wodka ohne Grund. Hab noch 1000 Euro übrig, meine Tochter will einen Hund. Mit der Bankkarte gezogen und auf einmal war sie weg. Aber ist mir scheißegal, die Nacht war einfach zu perfekt. Wir sind zugetrönt am Schweben. Komm, lass die Hurensöhne reden. Und ich hab noch so viel Pläne. Goldene Zähne, Freudentränen auf mein Leben. Werd nie vergessen, wie es früher war. Der Türsteher sagt, nein, du kommst hier nicht rein. Und heute spielen sie meine Lieder da. Laufe mit Jogginghose an ihm vorbei. In den Charts einfach an ihm vorbei. Autobahn, linke Spur, an ihm vorbei. Stehen bleiben, Polizei, ich lauf an ihm vorbei. An ihm vorbei. Flasche Rum auf der Theke. Meine Jungs an der Seite. Keiner sucht ihr Probleme. Wir suchen lieber das Weite. Und werfen Geld durch die Gegend. Als alles wertlose Scheine. Andere Werte, die Ziele. Wenn du weißt, was ich meine. Werd nie vergessen, wie es früher war. Der Türsteher sagt, nein, du kommst hier nicht rein. Und heute spielen sie meine Lieder da. Laufe mit Jogginghose an ihm vorbei. Vergessen, wie es früher war. Der Türsteher sagt, nein, du kommst hier nicht rein. Und heute spielen sie meine Lieder da. Laufe mit Jogginghose an ihm vorbei. In den Charts einfach an ihm vorbei. Autobahn, linke Spur, an ihm vorbei. Stehen bleiben, Polizei, ich lauf an ihm vorbei. An ihm vorbei. C'était Bonnes MC et Raf Camora sur Radio Fadjet pour An Innen Vorbei. Et comme je vous l'ai dit auparavant, c'est l'Allemagne qui sort victorieuse du sondage. Je vais vous dire le programme de cette émission. Auparavant, nous avons écouté Bonnes MC et Raf Camora pour An Innen Vorbei. Et maintenant, nous allons voir la ville de Berlin. Ensuite, nous irons écouter Bossa pour Was die Liebe Nest. Après cela, nous irons à Hambourg, dans la Brême, pour revoir cette ville. Et ensuite, nous verrons ce qu'il y a à faire à Hambourg. Et après cela, nous ferons un sprint final avec deux chanteuses. Ça sera Juju pour la première, pour Hardcore Hides. Et pour la seconde, ça sera Helen Fischer pour un autre titre. Je vous le dirai ensuite. Mais tout de suite, on va à Berlin. Enfin, plutôt sur le site du Routard pour la ville de Berlin. Allez, en avant. Berlin est pauvre mais sexy. C'est son ancienne mère, Klaus Vorwright, qui l'a affirmé. Et depuis, cette formule a fait le tour du monde. De quoi rendre la ville encore plus attractive aux yeux des 15 millions de visiteurs qui, chaque année, ne viennent plus seulement en pèlerinage sur des lieux empreints d'histoire, mais veulent découvrir la ville la plus en vogue, la plus branchée du continent. C'est une jeune capitale, en mouvement, qui donne les clés pour une Europe du futur telle que certains la rêvent. Certains. Une ville monde où se croisent 190 nationalités accueille à la fois des gens de l'Est comme de l'Ouest, en quête de créativité et d'inventivité, et des réfugiés fuyant les conflits meurtriers qui endeuillent le pays. Berlin, possède une force d'attraction incroyable, un enthousiasme étonnant dans cette Europe aujourd'hui maussade et policée. Il foisonne toutes les tendances de la postmodernité, bien sûr, beaucoup d'art plastique et de cinéma, mais aussi de l'architecture, de la musique, du théâtre, de la danse et du street art. Véritable terrain de jeu, on aime sortir à Berlin de jour comme de nuit. C'est le lieu où un autre style de vie semble encore possible. L'artiste et créateur qui afflue affirme que Berlin est l'équivalent de New York des années 60-70. L'âge d'or. Et on se verra tout de suite pour Bossa, Was du Liebenest. C'est maintenant sur The Fadjet dans le nouvel Explorateur. Baby, gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst. Auch wenn es keine Liebe ist, ich liebe es. Hilf mir zu vergessen, was war. Ich pack mein Herz bei dir heute Nacht. Also gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst. Auch wenn es keine Liebe ist, ich liebe es. Hilf mir zu vergessen, was war. Ich pack mein Herz bei dir heute Nacht. Heute Nacht, Baby. Ich roll ein Jit, wir werden high. Mix Tonic mit Gin mal zwei. Deine Liebe ist kalt wie Eis. Ich lass dich schmelzen, wenn du weißt, was ich mein. No, Baby, gib mir mehr von deiner Fake Love. Und ich rede nicht von diesem scheiß Drake Song. Erfüll dir Wünsche wie bei Dragon Ball Shenlong. Komplett auf Amis, voll auf Sendung. Oh, Baby, gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst. Auch wenn es keine Liebe ist, ich liebe es. Hilf mir zu vergessen, was war. Ich pack mein Herz bei dir heute Nacht. Also gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst. Auch wenn es keine Liebe ist, ich liebe es. Hilf mir zu vergessen, was war. Ich pack mein Herz bei dir heute Nacht. Heute Nacht, Baby. Yegi Energy, straight Hennessy. Und auf Spotify, ASAP Rocky LSD. Sie will wissen, wie der Hase läuft. Nicht nur Birds und Bees, auch das harte Zeug. Ich komm wieder, wenn sie ruft. Deine Liebe ist nicht echt, aber dafür ist sie gut. Pack den Benz vor der Tür, pack mein Herz in deinem Bett. Machst du weiter und ich geh hier nicht mehr weg. Oh, Baby, gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst. Auch wenn es keine Liebe ist, ich liebe es. Hilf mir zu vergessen, was war. Ich pack mein Herz bei dir heute Nacht. Also gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst. Auch wenn es keine Liebe ist, ich liebe es. Hilf mir zu vergessen, was war. Ich pack mein Herz bei dir heute Nacht. Heute Nacht, Baby. Oh, hey, hey, Baby. Bleibst du mit mir wach? Ich pack mein Herz bei dir heute Nacht. Ella, Ella, Ella, ey. Wie lang bleibst du mit mir wach? Ich pack mein Herz bei dir heute Nacht. C'était Bossa sur The Fadjet pour Was du Liebenest. Allez, en avant tous, en avant toutes pour Hambourg. Mais où est Hambourg? Hambourg est en Europe, oui, comme l'Allemagne. Donc du coup, Hambourg, situé au nord du pays, près de l'embouchure de l'Elbe et à proximité de la mer du Nord, Hambourg est la deuxième plus grande ville d'Allemagne après Berlin et le premier port du pays. Elle est également le deuxième port d'Europe quant au volume de marchandises échangées derrière Rotterdam. Allez, qu'est-ce qu'il y a à faire à Hambourg? Allez, à Hambourg, il y a Laster. Qu'est-ce que c'est Laster? Laster. Pour se promener et respirer un grand bol d'air frais, une promenade le long de la rivière Alster est parfaite et d'une grande beauté. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein. Venez vous promener en famille ou avec des amis, déguster un petit café, regarder les bateaux péniches et profiter de la vue imprenable sur la rivière et la fontaine en son centre. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à faire à Hambourg? Eh bien, à Hambourg, il y a le port d'Hambourg. Bien évidemment, le port d'Hambourg est un lieu incontournable de la ville. C'est un des lieux les plus touristiques, surnommé le port du monde, à cause de l'importance et de l'incroyable activité marine, bateau de croisière, bateau de marchandises, petit bateau touristique, croisière sur les canaux. C'est un endroit qui ne peut pas vous laisser en marbre. Le meilleur moyen de visiter le port est d'emprunter le bateau. Oui. Ensuite, il y a à Hambourg le musée de l'immigration, Berlinstadt. Alors, dans ce musée, racontez toute l'histoire de l'immigration l'immigration, mais aussi le quotidien de ces femmes et de ces hommes sur une base historique. Pour ceux qui veulent suivre les traces de leur propre famille, il y a un centre d'investigation. Le musée garde aussi des listes de passage, plus de 5 millions de personnes qui se sont rassemblées à Hambourg pour tenter d'immigrer vers les États-Unis. Adresse Wedderburne, Bogen, Joise, 20539, Hambourg.com. Bon, ensuite, il y a à Hambourg, jardin botanique, ouais, les canaux de Hambourg. Que serait Hambourg sans ces canaux? Eh bien, ça serait Hambourg, mais sans ces canaux. Dans le quartier dit de Speicherstadt, qui est le plus grand complexe d'entrepôts dans le monde, c'est une sorte de petit musée à ciel ouvert qui s'ouvre à vous. Profitez-en pour découvrir la ville sous un angle différent, mais aussi à un rythme tout à fait décalé avec la vie quotidienne. En naviguant sur le canot, vous aurez aussi l'occasion de visiter les donjons, de visiter le musée des épices. Les entrepôts ont ici plus de 100 ans. Mais ce n'est pas tout, mon ami. Il y a aussi la salle de la Philharmonie de l'Elbe, Elbphilharmonie ou Elfie. Un projet ambitieux avec une salle de 2150 places et notre salle de 550 places. De plus, cet endroit propose un hôtel 5 étoiles de plus de 600 lits. La partie inférieure du bâtiment est un entrepôt en briques rouges, tandis que la partie supérieure est un bâtiment en verre aux formes expressionnistes. Son ouverture est prévue en 2017, mais vous pouvez d'ores et déjà admirer l'édifice. Donc, ce site, Génération Voyage, visiter Hambourg, faire voir, voilà. Et le premier site, c'est Wikipédia. Allez les gens, en avant tous pour Juju, Hard Gold Eyes, la troisième musique de l'émission. Allez, en avant, 3, 2, 1. Wir sind hardcore, hi, hi, hi, hi, hi, hi. Wir sind hardcore, hi, hi, hi, hi, hi. Ohne Limit, ja, ja. Prost, Digga, erstmal einen Sekt köpfen. Plus 10 Shots für die Queen, für die Rap-Göttin. Oh mein Gott, dieser Vibe, diese Nacht, dieses Live. Wir sind wach, saufen Wein, so high. Wir sind hardcore breit, triff mich in der Lobby. Ich warte mit nem Body, saufen ist mein Hobby. Wenn du schläfst, werde ich wach. Rauchen Amsterdamer Otti, asozialer als der Kotti. Baby, das ist unsere Stadt, bleibe real, so wie früher. Triff mich Hasen, neide Rummel. Manchmal trage ich Jogginghose, manchmal trage ich auch ein Fummel. Manchmal geh ich weg und mach auf Schickimicki. Manchmal sitz ich auch im Park, so wie ein Hippie. 5 Uhr nachts in der City. Zu viel Gras hab ich gerade in meinen Taschen. Lass mal lieber erstmal bisschen davon puffen. Strip Club, sehe überall nur Backen und sie wackeln. Sie wollen Asche, ich bestelle noch ne Flasche. Ich will high. Gib mir den Gibbet, gib mir den Gibbet. Wir sind hardcore high. Wir sind hardcore high. So ohne Limit, so ohne Limit. Wir sind hardcore. Wir sind hardcore. Story machen, doch ich mache sie. Am nächsten Tag auf Kater löschen ist mein Fachgebiet. Wir sind nachtaktiv und wir sind attraktiv. Wir sind der Albtraum deiner Eltern. Wir besaufen und sinnlos sind 36. Kleine Jungs im Stimmbruch schreien geile Sau. Sie wollen alle Infos, doch sie kriegen nix. Jägermeister in Tuss, Szene iced out. Gib mir noch ein, zwei Becher. Mit nem Tunnelblick im Club wird der Lifestyle besser. Jeder zweite hat ein Messer in der Gegend. Ich muss mich bisschen beleben, deshalb geh ich einheben mit den Mädels und ich scheiß auf eure Regeln. Anpassen. Viel zu viele Menschen um uns rum sind da am Gaffen. Ich beweg meinen Arsch, doch wird niemand ranlassen. Sie dürfen nur gucken, aber niemals anfassen. Gib mir den Gibbet, gib mir den Gibbet. Wir sind hardcore. Wir sind hardcore. So ohne Limit, so ohne Limit. Wir sind hardcore. Wir sind hardcore. C'est Juju sur Autopatchet pour Instant Hide. Et maintenant, ça sera Ellen Fisher pour A Time Lost sur Dinach. Mais restez après la musique, vu que j'aurai une annonce à vous faire. Eh oui, ce sera comme la dernière fois. Vous choisirez, mon ami, le sujet de la prochaine émission. Bon, du coup, ça sera Ellen Fisher maintenant pour A Time Lost sur Dinach. Allez, maintenant, sur Autopatchet, sur le nouvel exploiteur. Oh no. Wir ziehen durch die Straßen und die Clubs dieser Stadt. Das ist unsere Nacht, wie für uns beide gemacht. Oh, oh, oh. Ich schließe meine Augen. als das höchste Dach dieser Welt. Halten einfach fest, was uns zusammenhält. Oh, oh, oh. Bist du richtig süchtig, Haut an Haut ganz berauscht? Fallen meine Arme und der Falsche geht auf. Oh, oh, oh. Alles, was ich will, ist da. Große Freiheit pur, ganz nah. Wir wollen hier nicht weg. Alles ist perfekt. Atemlos durch die Nacht. Spür, was Liebe mit uns macht. Atemlos schwingen wir frei. Großes Kino für uns frei. Wir sind heute ewig. Tausend Blitzgefühle. Alles, was ich bin, teile ich mit. C'est Alan Fischer pour Atemlos durch die Nacht sur Radio Fanjet dans le Nouvel Explorateur. Allez, l'annonce, ça sera le sondage pour dans 15 jours pour la prochaine émission. Alors, est-ce que vous voulez écouter l'Italie ou le Portugal? Allez, je répète, je mettrai sur Instagram un sondage, ça sera soit l'Italie, soit le Portugal. La prochaine fois, c'est vous qui choisissez. Allez, on envoie. La musique, au revoir.